L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par L'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2. Bonjour, bonsoir, selon l'heure où vous écouterez cette émission sur l'antenne de votre radio locale RGB sur le 99.2 FM et sur radio-rgb.net. Et oui, la technologie téléphonique étant ce qu'elle est, elle s'exprime pendant notre direct. Diffusé le mercredi 13 décembre de 19h à 20h et rediffusé le samedi suivant de 9h à 10h, ce qui explique le bonjour et le bonsoir tout à la fois. Notre émission a pour invité Beb Deum, qui est plasticien. Avec lui, nous allons parler d'une exposition qui va être présentée dès cette semaine à l'apostrophe Théâtre des Louvrets à Pontoise, l'exposition mondiale TM. Joël Dragutin, directeur du Théâtre 95, accompagné d'Anne-Marie Lérac, secrétaire générale de ce même Théâtre 95, pour le spectacle Karakorum, voilà, prononçons convenablement, pour un voyage dans l'Empire mongol. Un spectacle à voir le 21 décembre au Théâtre 95, dernier spectacle qui sera présenté sous la direction de ce même théâtre par Joël Dragutin. On va en prendre le temps de parler de tout cela au cours de l'émission. Enfin, il y aura Elisabeth Boss, secrétaire générale et programmatrice à l'apostrophe, pour nous parler d'un spectacle féerique et clownesque, Slava's Snow Show, qui aura lieu pour une série de représentations à l'apostrophe au mois de janvier prochain. Et dernier intervenant par insert téléphonique, Éric Lacascade, metteur en scène de la pièce Les Bas-fonds de Maxime Gorky, spectacle à découvrir cette semaine pour deux représentations, les jeudis 14 et vendredi 15 décembre à l'apostrophe Théâtre des Louvrets à Pontoise. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Beb Deum, c'est notre premier invité pour nous parler d'une exposition qui aura lieu du 15 décembre 2017 au 9 mars 2018 à l'apostrophe Théâtre des Louvrets à Pontoise. Vous êtes artiste, illustrateur et auteur de livres dessinés. Vous avez un parcours qui a commencé à l'École supérieure des arts appliqués. Quelques souvenirs en tête, Paris, je suppose. Vous avez fait des débuts avec le magazine Métal Hurlant. Il semblerait que vous en avez gardé des souvenirs positif. Vous avez travaillé depuis plusieurs années autour d'albums de bandes dessinées et de carnets de voyage, avec notamment des résidences au Japon et en Afrique. Et en Afrique, je crois savoir que le Centrafrique fait partie des destinations qu'on retrouve. Pour le coup, si je parle de ces carnets de voyage, c'est que ça se retrouve dans votre travail d'aujourd'hui. Un travail qui, au fil du temps, a évolué vers une recherche graphique sur le corps métis. Occasion aussi d'affirmer ce travail autour des technologies nouvelles, modernes, qu'on appelle le numérique. L'outil numérique, vous avez dit, c'est la création pure, l'imaginaire transcendé, l'imaginaire mental, qui s'imprime sur rien. De virtuel, ça reste virtuel, c'est magnifique, et j'ajoute, et on va faire plus ample connaissance avec vous, vous avez dit c'est magnifique, sauf pour le compte en banque. Voilà qui est déjà une manière de planter le décor. Alors, pourquoi cette exposition Mondial TM? Quand je parle de corps métis, c'est au cœur de votre sujet et au cœur de votre travail. Oui. C'est un travail graphique donc sur le métissage et la globalisation. En fait, le corps métis confronté à la mondialisation qu'on peut vivre aujourd'hui. Mondialisation. Alors, d'abord, c'est aussi dans la mondialisation, c'est la place de l'humain, je crois savoir. Et quand on parle du corps métis, c'est d'abord et avant tout peut-être à partir des visages que vous avez fait ce travail de recherche. Oui, moi, il y a que l'humain qui m'intéresse. Donc, j'ai petit à petit, au fur et à mesure de mon travail, ça fait presque 40 ans que je suis sorti des arts appliqués, dont vous parliez tout à l'heure. j'ai resserré sur l'humain, en fait. J'ai commencé par de la bande dessinée où je pouvais dessiner des mondes avec des villes, avec des foules. Et puis, j'ai, petit à petit, j'ai resserré sur l'humain et notamment sur le visage. Et donc, ça se ressent aujourd'hui. Je pense que Mondial, le projet que je propose aujourd'hui, est vraiment l'aboutissement de presque de ma carrière d'artiste, en fait. Un travail qui se plonge, qui s'interroge aussi sur l'évolution de notre société contemporaine, soumise à la globalisation, et vous allez jusqu'à dire à la globalisation outrancière, qui a pour effet d'avilir et de transformer toute chose en produits marchands. Car c'est vrai que quand on parle de la globalisation, on n'en voit pas ou on n'en mesure pas forcément les effets les plus négatifs. En fait, l'idée, c'était, oui, de pousser un petit peu vers l'outrance le corps, et qu'est-ce qui va devenir, ou qu'est-ce qui devient déjà aujourd'hui avec toutes les technologies, et de pousser ça à pour en fait, montrer ce que sera l'avenir, en fait. Votre travail, et pour cette exposition tout particulièrement Mondial TM, se part de trois individus symboliques. Si vous nous les présentez, ces individus symboliques? Je voulais prendre les trois couleurs humaines, en fait, une caucasienne, une africaine et puis une asiatique. Partir de ces trois personnages qui, au départ, sont chacune dans leur chapelle respective. Au départ, ce sont des nonnes. Et puis, petit à petit, elles laissent tomber leurs habits et puis elles se métissent, en fait, entre elles, entre leurs cultures différentes. Et puis tout ça, tout ça se métisse et puis fait une galerie de portraits. Enfin, là, j'en ai à peu près 300 qui sont reliés dans un bouquin d'ailleurs, qui est à l'origine du projet, des expositions. Enrichi par un texte d'Alain Damasio, c'est ça? Oui. Trois moniales, dites-vous, qui représentent chacune un monde, qui pour l'une représente l'Occident qui évoque le passé, l'autre l'Afrique qui évoque le présent et l'Asie qui évoque le futur. Quand on parle de globalisation, c'est pas simplement un regard sur l'aujourd'hui, mais il y a votre carnet de voyage dont je commençais à parler tout à l'heure, s'est appuyé justement sur ce travail. En fait, il se trouve que je suis sorti de l'atelier vers 35 ans. J'ai beaucoup travaillé avant et j'ai commencé à voyager à 35 ans. J'étais invité au Japon notamment et aussi en Afrique. Et je pense que ces voyages m'ont donné l'envie d'interpréter l'humain, notamment en Centrafrique où j'ai fait une découverte de l'Afrique noire et qui avait déjà, enfin, le Centrafrique est un pays méconnu, mais qui avait déjà beaucoup de problèmes quand j'y suis allé il y a une dizaine d'années, et voilà, qui ne se sont pas arrangés aujourd'hui, malheureusement. L'idée, le projet et la réalisation, c'est de montrer le passage de la vie monacale à l'universalité, car c'est pas simplement des portraits qui sont comme ça, qui n'ont pas d'interconnexion les uns avec les autres. Une certaine forme de métissage en marche, ça nous parle aujourd'hui, c'est dans notre pays, qui serait moins le mélange des sens que le mélange des sens. Précision. L'idée, c'est pas, oui, moi, c'est un travail d'artiste avant tout, hein. Je suis pas un anthropologue, je suis pas un ethnologue ou un généticien. Moi, l'idée, c'est de prendre du plaisir à créer. Et puis, si cette création montre un petit peu ce qu'on va peut-être pouvoir vivre, c'est bénéfique, je pense. Mmh. Alors, à la recherche de quoi? À la recherche d'une ultime synthèse de l'humanité? À la recherche d'un humain unique? Question. L'humain unique, on y va, en fait. Il y a une telle uniformisation dans nos sociétés que fatalement, on va vers un humain qui... On va tous se ressembler. On aura le même smartphone et le même vêtement, la même culture, en fait, qui va se... Alors, voilà, je peux... À mon petit niveau, poser des questions. Est-ce que c'est salutaire? Moi, je suis un défenseur du métissage. Pour moi, c'est avant tout un concept heureux de la mondialisation. Mais l'idée, c'était justement de montrer ce métissage et qu'il soit rattrapé par cette globalisation qui nous qui nous tombe dessus, et puis de montrer que c'est un peu triste, quoi. Mmh. Alors oui, métissage, on peut avoir des perceptions selon l'angle de vue, selon sa vision, qui peut être à la fois pour certains monstrueux, pour d'autres c'est l'apogée de la beauté. Que les frontières disparaissent, je pense qu'on y rêve tous, les artistes comme vous-même aussi. Ça permet normalement la rencontre et l'échange qui doit pouvoir s'effectuer, et c'est comme on le voit hélas dans notre monde d'aujourd'hui, pour le meilleur comme pour le pire. Oui, que rajouter à ça, rien. Être global, hybride, car quand on découvre effectivement vos dessins, quelle est la partie réelle, quelle est la partie virtuelle? La technique, c'est le numérique, ce n'est pas que le numérique. J'ai démarré avec des techniques traditionnelles, hein. Pendant 15 ans, j'ai travaillé avec des encres, des aquarelles, de l'aérographe, et puis petit à petit, j'ai évolué vers l'outil numérique, et en fait, ça a été une découverte pour moi, sur le fond comme sur la forme. Ça m'a donné aussi envie d'hybridation, de métissage, en fait. Et c'est aussi ce projet Mondial TM est aussi l'aboutissement de cette technique en fait que j'ai appréhendée. Mmh. Le résultat, car cet être ce global hybride, pluriethnique, pluriculturel, eh bien c'est un être global devenu produit, concept. Là, ça résonne avec notre société de la surconsommation, pour ne pas dire davantage. Et à la veille de ces fêtes de Noël et de Nouvel An, eh bien, ça résonne bien. Corps marchandise qui peut être vendu, estampillé sous le fameux et l'incontournable logo Mondial TM, un label exclusif d'un monde globalisé absurde. Voilà, c'est ça le label, Mondial TM. C'est un label qui regroupe tout en fait, c'est presque l'aboutissement de notre monde en fait. Une marque qui nous emmène vers le gouffre. L'exposition, parlons de l'exposition. Comment ça va se présenter justement? Vous avez découvert le lieu avant de venir faire l'installation, j'imagine, puisque l'exposition commence dès cette semaine, 15 décembre, et cela jusqu'au 9 mars prochain. Mmh. À l'apostrophe, Théâtre des Louvrets à Pontoise. Alors, comment on investit ce lieu avec, effectivement, vos propres œuvres? Le lieu est très beau, c'est très vaste, très haut de plafond, très lumineux, mais très difficile pour exposer, en fait, pour des images. Et en fait, on va se servir de grandes bâches, de tirages numériques, et puis il y aura des séquences vidéo, voilà. Vous avez dit, j'en reviens à cet être global, parce que ça interroge forcément, dans mon esprit, cette société des humains s'est synthétisée en un être unique, un être qui symbolise la concorde, la stabilité et la plénitude. L'avènement de nouvelles technologies, d'un réseau mondial d'information qui connecte l'humanité, abolissant les distances et les frontières, concourt à cette vision d'un être unique. Et vous poussez le trait jusqu'à dire d'une possible redéfinition de l'homme. Ouais, c'est pas moi qui ai dit tout ça, c'est un philosophe, je sais plus lequel. Moi, je suis parti au départ, je suis parti au départ sur une utopie, en fait. C'est de trouver un être qui représente, qui synthétise notre monde, mais plutôt un être de synthèse et de joie. Et puis, en fait, en poussant à l'extrême, ou un petit peu légèrement dans l'outrance, eh bien, cet être devient une caricature et puis quelque chose d'assez terrible. Mmh. Alors, quand on découvre, ce sera ma dernière question, quand on découvre effectivement vos personnages, ces portraits dont on vient de parler, certains pourraient parler, c'est surtout à la suite de notre échange, d'une forme de caricature de notre monde. Est-ce pour vous une vision réaliste du futur? Oui, je pense que c'est assez réaliste. Je pense que en poussant légèrement notre vie, notre quotidien vers l'outrance, on obtient une vision du futur, en fait, très vite. Et en fait, le futur, on y est. Hein. C'est Orwell où l'avait déjà très bien dépeint. Et en fait, on vit ce qui a été dépeint. aujourd'hui. On va en parler d'ailleurs, c'est marrant, c'est une référence qui va s'inviter dans cette émission, dans la suite de cette émission. Je rappelle que cette exposition, elle est à découvrir du 15 décembre 2017 au 9 mars 2018 à l'Apostrophe, Théâtre des Louvrets à Pontoise. Alors, on a parlé effectivement d'installations de tirage numérique, mais il y aura aussi des portraits qui seront imprimés sur papier peint, ai-je lu ? Ça va être le cas ou pas ? Non, pas à l'Apostrophe. Pas cette fois-ci. Non. Il y a eu déjà des expos en Suisse et à Montreuil, à la Maison Populaire, qui s'est terminée là cette semaine, où il y avait justement une plus grande immersion avec des papiers peints, des tirages numériques, des vidéos. Là, le lieu au Louvret est différent. Il faut l'investir différemment. Voilà. Pas de vidéo, pas de son. Si, il y aura des vidéos. Si, il y a un grand écran au moins pour le vernissage et puis un écran ensuite. Oui, parce que ça invite effectivement un univers un peu sonore pour accompagner l'ensemble. Avec des vidéos qui ont été faites avec des artistes, Hugo Arcier et puis un musicien, All Flow, qu'on va peut-être entendre aujourd'hui. Vous allez nous présenter, Beb Deham, vous allez nous présenter une musique. Est-ce qu'elle est en résonance avec notre échange ? Voilà, c'est ce dont je vous parlais, donc All Flow ou Olivier Florio, qui est un ami artiste, qui est un musicien, qui a fait les musiques sur les séquences vidéo. Pour avoir vu un certain nombre de ces images et de ces dessins, de ces créations, je rappelle d'ailleurs que il existe le livre lui-même dessiné et enrichi du texte. Peut-être un dernier mot concernant Alain Damasio qui a apporté plus que sa touche à ce livre. Alain Damasio est un très grand écrivain de SF, je pense un des plus grands français et qui est même référencé à l'étranger beaucoup. Et en fait, il s'est greffé à la fin du projet et je pense qu'il a apporté une autre dimension au bouquin, peut-être une vision plus optimiste dans le sens où il laisse entrevoir un espoir dans le fait de se rebeller. Voilà. Dernière chose, les formats, parce que là on parle du livre dessiné, c'est votre dernier livre d'ailleurs, c'est ça ? Oui. Donc on va pouvoir le voir dans une autre dimension, il y a différents formats exposés. Sur l'exposition, oui, l'image numérique permet justement de pouvoir varier les formats et les plaisirs. Un grand merci à vous. Merci. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Karakorum, voyage de l'Empire mongol sur une mise en scène d'Alain Spatiès. Et c'est une unique représentation qui aura lieu le jeudi 21 décembre à 20h30 au Théâtre 95 à Cergy. C'est Anne-Marie Lérac qui va nous en parler. Alors Anne-Marie, si j'ai compris, si on passe déjà pour se chauffer nous tous, pour nous donner surtout l'envie d'aller découvrir ce spectacle. Un spectacle qui nous propose une réflexion sur la tolérance, la laïcité et sur la nécessaire confrontation de nos préjugés avec ce qu'est l'autre. Autrement dit, on est sur de l'actualité très immédiate. Ça nous parle à nous tous. Oui, tout à fait. Enfin, je précise qu'il s'agit quand même d'une création scénique et musicale, hein, mais effectivement, au cœur de laquelle l'ouverture à l'autre, la découverte de l'autre sont vraiment le ressort de cette proposition artistique assez originale, puisque comme je le disais, effectivement, cela mêle chant, écriture théâtrale, interprétation de comédiens chanteurs et en présence du quatuor Debussy qui est un quatuor très virtuose et effectivement c'est au cœur de nos préoccupations puisque pourtant on repart vers le 13e siècle, on parle de voyage, on vient d'en parler là à l'instant, mais il est question effectivement du voyage d'un prêtre franciscain qui est parti découvrir la Mongolie pendant un an et demi, et au cours de ce voyage, il a appris à découvrir d'autres cultures et à les accepter et à mieux les connaître en rencontrant tous ces gens. Donc tout ceci a inspiré un livret à François Bernard Mache, qui est le compositeur, oui, et directeur de la compagnie La Grande Fugue. Et donc il a souhaité s'emparer de cette histoire assez connue hein, quand même pour justement aujourd'hui parler de la tolérance et de la découverte de l'autre. Au niveau scénique, c'est vrai que c'est assez original comme je le disais, puisque en fait on a à la fois des comédiens chanteurs, mais il y a aussi des projections vidéo et tout un univers symbolique qui évoque le voyage et par ailleurs donc et aux côtés donc des trois comédiens chanteurs le quatuor Debussy qui donnera à évoquer et à imaginer toutes les découvertes qui ont pu naître, disons, des différentes rencontres de ce moine franciscain. Alors ce moine franciscain, au départ, parce qu'on pourrait dire et laisser croire que c'était un grand voyageur qui allait à la découverte du monde sans idée préconçue, or je voyais quand même dans son histoire, dans son parcours, Guillaume de Rubruck, pour me parler de lui, tout à fait, oui. En 1255, on resitue aussi dans l'histoire de ce récit de voyage en Mongolie, eh bien il était sympathisant de l'Inquisition, donc il avait quand même une certaine idée du monde et de l'absolu. Découverte du Nouveau Monde, c'était son voyage, mais dans son esprit, découverte du Nouveau Monde, barbare, autrement bien dit, sûr. Avec là beaucoup de préjugés, beaucoup d'idées préconçu. Oui, tout à fait. Et ce voyage, ça l'a vraiment transformé. Oui. C'est vraiment un travail, ces récits de voyage qui a servi effectivement à nourrir des réflexions sur la découverte de l'autre et de la tolérance, comme on disait. Récits de voyage. C'est celui qu'on ne connaît pas. Voilà, des récits de voyage, et ça nous parle en effet aujourd'hui, sur les malentendus, sur les incompréhensions qui naissent tant qu'on n'est pas en relation avec l'autre. Et en effet, un travail donc tant sur la musique, le théâtre, mais également sur l'histoire et la philosophie. Oui. Et ce qui est étonnant, c'est une plongée dans deux dimensions, deux univers, deux mondes. Le Moyen-Âge, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et aujourd'hui. Et aujourd'hui, voilà. Une musique très contemporaine. Oui, exactement. C'est vrai. On connaît peut-être, enfin certains connaissent le quatuor Debussy pour leurs interprétations très virtuoses de morceaux classiques, mais c'est vrai que c'est un quatuor qui tente aussi des aventures renouvelle et qui, pour cette création, disons, a travaillé vraiment complètement en phase avec le compositeur pour apporter une création sonore et un univers musical propre à évoquer et le voyage et justement peut-être aussi tout ce qui va avec, la surprise, voire la méfiance parfois, et en même temps la tolérance, comme on le disait. Oui. Le compositeur François Bernard Mache est donc directeur de la compagnie. Voilà, a dit la chose suivante. Ce récit musical nous fait apparemment voyager dans un monde doublement lointain, le XIIIe siècle, et la Mongolie. Mais en réalité, il nous invite à voir, à travers le regard d'un franciscain surdoué, la permanence de certains questionnements humains sous la multiplicité des coutumes et des langages. Voilà de quoi c'est bien nous mettre en appétit de ce spectacle à voir. À découvrir pour une représentation unique, jeudi 21 décembre, 20h30, au Théâtre 95, à Cergy. On a tout dit sur le spectacle ? Oui, ben l'essentiel en tout cas, il reste à le découvrir. À découvrir. Eh bien, dernier spectacle, je disais tout à l'heure dans mon ouverture d'émission, dernier spectacle à l'affiche du Théâtre 95, dirigé par Joël Dragutin, qui est des nôtres, Joël. Auteur, metteur en scène, directeur du Théâtre 95, c'est pas seulement une page qui va se tourner dans l'histoire du Théâtre 95, puisque nous l'avions annoncé déjà dans une précédente émission, à partir du 1er janvier 2018, l'apostrophe, la scène nationale de Cergy Pontoisy du Val d'Oise, eh bien, prend la direction de ce même théâtre, fusionnant ce théâtre avec les deux autres théâtres de l'agglomération. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui a déjà été annoncé depuis déjà maintenant plus de 6 mois. En fait, les tutelles ont décidé effectivement de rapprocher ces deux lieux-là pour en faire qu'un seul. Une nouvelle scène nationale de Cergy Pontoisy du Val d'Oise, dirigée par Feriel Bakoury à partir de janvier, enfin, c'est déjà un peu en cours déjà depuis la rentrée de septembre, mais officiellement, effectivement, à partir de janvier, donc il y a maintenant de ces deux lieux, il en restera un seul, plus important, plus grand, une grande scène nationale qui rayonnera sur Cergy Pontoise, le Val d'Oise et peut-être, et j'espère, ailleurs aussi. Voilà. Et donc pour moi, c'est une page importante de ma vie et de mon histoire qui se termine là pour maintenant partir sur d'autres horizons, j'espère. Sans faire une rétrospective, car il nous faudrait bien plus qu'une heure d'émission pour le faire, cependant, rappeler à nos auditeurs que ce théâtre a été fondé en 1989, c'est ça ? 85 même. Même, avec l'installation d'une compagnie d'abord ? Oui, d'une compagnie qui s'appelait Théâtre 95, et puis qui progressivement a trouvé son public, a trouvé ses locaux, s'est élargi, s'est fait reconnaître par un public de plus en plus large, puisque à la fin, donc, nous étions autour de 25-30 000 spectateurs par an. J'ai plus beaucoup de voix, j'ai une bronchite. Donc c'est pour ça que ma voix est un peu voilée. On est devenu, dans les années 90, scène conventionnée aux écritures contemporaines, avec en plus un bâtiment qui s'est agrandi, puisqu'il y avait deux salles, la salle Arendt et la salle Visconti, qui ont permis finalement à ce lieu de s'épanouir et de rayonner. Voilà, donc, avec une idée du théâtre bien plus qu'un lieu de représentation, qu'un lieu de diffusion de spectacles, mais plus comme espace public, lieu de création, lieu de découverte de textes, lieu de formation, espace social aussi. Un lieu de démocratie aussi. Moi, j'ai coutume de dire que c'était un lieu de résistance, un peu à ce que monsieur tout à l'heure abordait sous les formes de la mondialisation libérale qui nous envahit chaque jour un peu plus. Et donc, voilà, on a créé un espace de résistance avec des artistes jeunes, avec des créateurs, mais avec aussi des intellectuels, des observateurs qui sont venus. La plupart des grands observateurs et des grands intellectuels sont passés chez nous durant ces 30 ans. Et puis, on a invité, plusieurs centaines d'auteurs, 300 ou 400, je crois, d'auteurs vivants, d'auteurs aussi qui sont morts, mais dont la parole reste encore très très actuelle. Je pense à, récemment encore, Goltès ou Beckett, ou etc. Donc qui sont des gens très très vivants encore. Mais donc voilà, c'est un lieu de vie. Avec, de résistance. Avec l'idée, au-delà de cette résistance, de faire en sorte que le théâtre ne soit pas intimidant pour les habitants. C'est un théâtre qui s'est inscrit aussi sur sa relation privilégiée avec le territoire, l'environnement dans lequel ce théâtre a développé ses actions et son histoire. Tout à fait. Je veux dire que pour moi, j'ai toujours essayé d'entretenir un rapport dialectique entre la population et nous, et faire qu'effectivement, il y a ces allers-retours permanents. On se nourrit des habitants, et en retour, on essaie d'apporter aux habitants un regard critique sur le monde dans lequel ils vivent. Voilà, on a toujours essayé de défendre ça avec une grosse implantation. Et je remercie d'ailleurs, à travers cette antenne, tout le large public. Je crois qu'on avait été à 800 000 entrées. Mmh. C'est 800 000 personnes qui ont franchi les portes de ce théâtre tout au long de ces années. Et je les en remercie parce qu'ils nous ont apporté beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et j'espère qu'en retour, qu'on en aura apporté un peu. Avec des souvenirs, évidemment, la première pièce, comment ne pas se souvenir de la baie de Naples, sur occasion aussi, au fil de l'histoire de ce théâtre, de travailler sur les mythologies contemporaines, sur les fameuses langues de bois, ce qui nous ont envahis, la novlangue inventée justement par George Orwell, qu'on évoquait tout à l'heure, dans son roman 1984, langue dont le but était l'anéantissement de la pensée, la destruction de l'individu devenu anonyme, l'asservissement du peuple. Ça résonne, ça parle. Tout à fait. Oui. Moi, j'ai coutume de dire que les langues de bois, c'est une langue qui ne modifie pas la réalité. C'est une langue où le sens devient signe et le signe devient son. Voilà, globalement, pour faire court. Et donc, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup sur ce travail-là, sur ces aspects-là de linguistique. À travers la baie de Naples, c'était sur la parole ordinaire, mais j'ai travaillé sur le langage amoureux aussi, à travers tant d'espace, ou encore récemment sur le champ des signes, à travers le discours du pouvoir. Le théâtre 95, avec toute son histoire, va tourner une nouvelle page. Joël Dragutin, vous allez garder pendant quelques temps une relation, une collaboration avec des projets futurs en lien avec l'Apostrophe et la scène nationale donc de Sergi Pontoise et du Val d'Oise, et avec sa directrice Ferielle Bakoury. Oui, on s'est rencontrés déjà à plusieurs reprises, et puis à partir de janvier va commencer une nouvelle étape, puisque je serai compagnie en résidence dans cette nouvelle scène nationale pour une durée de 3 ans, à travers 3 créations, dont certaines créations de moi-même que je vais écrire, et d'autres créations à travers de jeunes auteurs que je suis en train de choisir, puisque la prochaine création qui aura lieu donc sur la saison 18-19, je suis en train de réfléchir à choisir un auteur plutôt anglophone, sans doute anglo-saxon, et puis avant de pouvoir me consacrer à une nouvelle création totale, c'est-à-dire écrite, écriture et mise en scène à partir de 19-20. Mmh. Le souvenir, c'est une question peut-être stupide, mais je me l'autorise tout de même. Les souvenirs sont multiples dans cette histoire marquée avec ce territoire, vous l'avez rappelé, avec Sergi Pontoise, avec les habitants, les spectateurs. C'est d'abord peut-être ça la plus belle histoire qui s'est nouée au fil du temps. Cependant, quels sont les 2-3 souvenirs emblématiques de ce qui auront marqué ces longues décennies? C'est très très difficile, c'est comme si on demandait à choisir un père entre ses enfants, mais tous les souvenirs sont beaux. Mais je peux comme ça, spontanément, le fait par exemple d'avoir échangé des cours de théâtre au début pour réaménager les locaux, qui étaient celui effectivement de l'ancienne école d'art qui est devenue le théâtre 95. Donc là je me rappelle que je donnais des cours de théâtre, non pas contre de l'argent, mais contre des travaux, et donc je choisissais les élèves en fonction de leur capacité à peindre, à faire de tuyauterie, ou la plomberie, ou l'électricité, ou je sais pas quoi. Voilà, ça c'est un souvenir. Le fait d'avoir travaillé pendant quand même près de 10 ans sur un plateau qui faisait 4 mètres de profondeur sur 10 mètres d'ouverture, donc d'avoir systématiquement fait des mises en scène panoramiques, cinématographiques, ça c'est un souvenir aussi. Peut-être aussi notre échange qu'on avait avec la dernière année de l'URSS, qui était très très émouvante. Dans les échanges internationaux, où on a été jouer mes pièces en Russie, en échange, ils sont venus à Sergi Pontoise, avec 50 artistes encore soviétiques, puisque c'est la dernière année, qui sont venus à Sergi Pontoise. C'était un beau souvenir, mais il y en a plein d'autres des créations. La première convention qu'on a obtenue avec la CACP, à l'époque c'était Alain Richard, Christian Gourmelin aussi, voilà. C'est des étapes qui ont marqué puis les souvenirs avec les artistes, qui sont les souvenirs sans doute les plus touchants pour moi. Donc quand on voit émerger, voilà, je parlais de la baie de Naples tout à l'heure, bah, le premier filage de la baie de Naples que j'ai vu, et la première représentation où je ne pensais pas que le public rirait autant. Je ne m'attendais pas du tout à quelque chose d'aussi comique de la part du public. Enfin, parmi plein d'autres. Très bien, nous en arrivons au terme de notre échange. On vous réinvitera évidemment pour parler de ces futures créations, une fois que vous aurez récupéré votre voix dans tous ces éclats. Une dernière proposition musicale que vous allez faire à nos auditeurs, le groupe PNL, Force et Honneur. Pourquoi ce choix? Parce que c'était la musique qui a servi de nappe et de base dans la dernière création, le chant des signes numéro 2 que vous avez vu, et donc la musique qui était présente dans cela, c'était cette musique là donc je trouve assez belle, même si effectivement ça n'a pas le groupe n'a pas de lien direct avec ce que je raconte. Merci Joël Dragutin. Musique. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Bonjour Éric Lacascade, vous êtes en charge de l'adaptation et de la mise en scène d'une pièce qui est à l'affiche à l'apostrophe, la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, ce jeudi 14 décembre à 19h30 et ce vendredi 15 décembre à 20h30. Alors, une pièce qui interroge sur le rapport du théâtre au réel, Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même indiquer à nos auditeurs que cette pièce a été créée au Théâtre National de Bretagne, que vous connaissez bien, en début de l'année 2017, qu'il y a eu plutôt un bon accueil, on peut dire, par à la fois le public et aussi par la presse. Oui, un accueil vraiment formidable hein, de la part du public en Bretagne et puis après pendant la tournée, puisqu'on a joué à Sceaux, on a joué au Théâtre National de Strasbourg, on a joué à Amiens, donc le public, il se passe quelque chose avec ce spectacle. Il y a quelque chose qui est très fort entre nous et la salle, le propos et la pièce elle-même, le jeu des acteurs, enfin on y reviendra. Et puis la presse qui nous a remis le prix du meilleur spectacle de la décentralisation. Absolument. C'est quelque chose, vraiment, voilà, on est très contents, quoi. Je et pense. Et on continue, et ravis d'arriver à Cergy. Les Bas-fonds de Maxime Gorki, véritable chef-d'œuvre parmi les œuvres théâtrales, avec effectivement pour vous à la fois un intérêt particulier pour cet auteur. Ce n'est pas la première fois que vous travaillez une pièce de Gorki, c'est même un vrai prolongement autour de Gorki. Pourquoi cet auteur? Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Il a des qualités d'écriture évidentes, vous savez, c'est quelqu'un qui est à la fois dans la rue pour suivre les événements, pour y participer, il écrit des tracts, on est en pleine dans la veille de la révolution russe. C'est un véritable activiste, il va en prison, il écrit des romans, il est journaliste, en même temps il écrit des pièces de théâtre, donc il est dans la vie, et en même temps il porte témoignage de la vie de cette époque. Et une période troublée, une période obscure, une période qui bascule, une période où les tensions, les violences sont là souterraines. On ne sait pas ce qui va advenir de nous et de quelle manière ça nous rappelle quelque chose dans notre société telle qu'on peut la vivre ou la penser aujourd'hui. Donc c'est un auteur qui me parle, c'est un auteur qui parle au public, que j'ai adapté évidemment, puisqu'on n'est pas devant une pièce de musée de 1902, mais qui résonne fortement avec aujourd'hui. C'est la troisième pièce de Gorki que je monte, il y avait longtemps que je voulais monter les Bas-fonds. C'est fait, et j'en suis ravi. Alors Gorki, juste pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, car il y a tout un nouveau public qui ne cesse de découvrir des auteurs comme Gorki, il a été admiré par Anton Tchekhov, il a eu, on va dire, une bienveillance au début dans une relation avec Lénine, c'est ça, mais très vite il s'en éloigne et il a connu plusieurs fois l'exil. Et pourtant un attachement fort pour la Russie, son pays, à tel point que Staline l'invite à rentrer en Russie en 1932. Et là, c'est une période un peu curieuse, singulière. Staline utilise, voire même exploite le revirement du poète du peuple qui était à ce moment-là effectivement Maxime Gorki. Comment vous expliquez cette page de son histoire? C'est difficile à expliquer. Vous me posez la question, c'est plutôt un historien qui connaît la vie parfaitement de Gorki. Ouais. Moi, je connais l'homme de théâtre plus que l'homme politique. C'est vrai qu'il est instrumentalisé totalement par Staline, de pire manière, et que ce qu'il écrit, c'est totalement surprenant et dérangeant et peu qualifiable, étant donné la personnalité et les exactions de Staline. C'est un artiste d'État, malheureusement, quand le pouvoir politique met la main sur un homme qui a des faiblesses politiques, il est capable de se mettre au service de la pire des causes. C'est quelque chose qui nous prévient aussi, nous, artistes, de garder des distances, quel que soit le pouvoir politique, pour avoir cette indépendance et cette parole qui reste libre. Rien de pire que l'instrumentalisation d'un pouvoir par un artiste. Et plus nombreux sont les artistes qui se dressent contre les pouvoirs, et j'en suis. On voit bien justement que tout cela, ça interroge effectivement le réel, et il y a effectivement une vraie dimension contemporaine et actuelle de l'écriture de Gorki, et au travers de votre mise en scène. Venons-en au Bas-fonds, une pièce qui a été créée en 1902, par Stanislavski, une référence mondiale toujours encore bien vivante aujourd'hui. Oui, bien sûr, parce que c'est le premier maître de la mise en scène qui invente une théorie, une pédagogie, et qui en plus est acteur avec ses comédiens sur le plateau pour jouer les œuvres. Donc oui, Stanislavski reste un grand maître de la pratique de la mise en scène. Alors, les adaptations étaient nombreuses, même au cinéma. J'imagine qu'il y a le poids de ces adaptations quand on est metteur en scène et quand on s'apprête à mettre en scène, à adapter pour une nouvelle fois cette pièce de Gorki. Je pense aux incontournables adaptations au cinéma par Jean Renoir ou bien par Kurosawa. Vous avez, j'imagine, peut-être regardé l'un de ces films? Oui, je trouve les films tous les deux très bien faits. Après, vous savez, le poids, c'est comme notre histoire à chacun. On a le poids de l'histoire derrière nous, que ce soit une histoire politique, sociale, familiale. Il faut la connaître, il faut la respecter, mais il faut savoir s'en dégager pour aller de l'avant et créer des choses nouvelles. Donc il faut connaître son histoire pour inventer l'avenir. Les Bas-Fonds, un univers bien sombre du côté des laissés pour compte. Vous en, à l'origine, un portrait théâtral d'un groupe de marginaux. On est sur des sujets qui nous parlent encore, évidemment, fortement dans nos sociétés actuelles. La précarité, l'exclusion, la marginalité. C'est une pièce qui résonne avec, aujourd'hui d'ailleurs, la situation, l'action. Vous l'avez déplacée quelque part en France, dans les années 2000 ? J'ai essayé de la faire intemporelle, j'ai essayé que ce soit ni d'aujourd'hui, ni d'hier, ni de demain, j'ai essayé que ce soit comme ça flottant, qu'on puisse s'y reconnaître à toute époque et de toutes conditions et de tout pays. Avec cependant des personnages qui sont contemporains. Avec des personnages effectivement qui nous rappellent ce qu'on est, parce que la précarité et puis cette plongée dans les bas-fonds, la violence, les bas-fonds humains, sociaux, mais c'est aussi les bas-fonds de l'âme, hein, vous comprenez donc c'est des passions et des choses que nous portons, que nous traversons, que nous redoutons de traverser. Donc c'est l'âme humaine qui est dressée en face de nous sur ce plateau. Avec un texte, avec une mise en scène, une adaptation qui faisait, en tout cas la presse nationale l'a repéré ou révélé, que cette adaptation faisait écho à certains discours de la campagne électorale de la présidentielle 2017 que nous avons tous vécu. Et pourtant, vous aviez commencé évidemment à travailler sur cette pièce bien avant l'aboutissement de cette campagne électorale. Oui, c'est vrai, mais vous savez, on est traversé par l'époque, qu'on le veuille ou non. On est parlé par l'époque et les choses s'inscrivent en nous. On les crée nous-mêmes, on les visualise, on les projette, on les pense. Et à certains moments, elles nous traversent et on est là comme une image et un témoignage de ce qui se passe, qu'on le veuille ou non. Donc cette pièce de Gorki permet ça. Un théâtre comme art politique, comme certains ont pu l'écrire, un théâtre de combat, un théâtre militant, comment le définir finalement ? Gorki, en tout cas, toujours très contemporain. Je dirais que le théâtre comporte tout en lui-même. Il est la politique, il est le roman policier, il est l'histoire d'amour. Le théâtre est un roman extralucide de vie. Parce que comme la vie, le théâtre n'a pas de but, il est organique, il n'a pas véritablement de sens, si ce n'est d'être et de montrer les passions sur scène et de les vivre nous-mêmes pour les transmettre au public, comme je disais tout à l'heure, comme un miroir, et en même temps de créer du désir ou de l'énergie en face avec le public. C'est le seul message que j'aurais, créé quelque chose où on dit « restez vivant et faites ». Il y avait un enjeu de taille dans cette adaptation et vous l'aviez indiqué justement dans vos intentions de mise en scène, trouver une forme qui permette de rendre compte de toute la puissance à la fois politique, sociale et humaine en évitant les clichés réalistes car ça ne manque pas en la matière les clichés. Oui, et donc voilà, il ne s'agit pas de mimer la pauvreté sur scène, il fallait trouver notre propre endroit de précarité, nous acteurs et moi metteur en scène. Et puis le cinéma et la télévision font très bien les choses en ce qui concerne le documentaire sur la vie de la rue ou sur ces endroits qui sont si difficiles ou si dangereux à vivre aujourd'hui quand on n'a plus rien. Donc le théâtre a un autre angle à trouver, je pense, et j'ai essayé de trouver cet angle pendant les répétitions. Et on continue à chercher pendant le spectacle et en présentation et on répète et le spectacle continue à se travailler, à se créer, à s'inventer tous les soirs. Éric Lacascade, ce que j'ai aussi lu au travers à la fois des critiques plutôt élogieuses pour ce spectacle et cette adaptation, c'est une vraie pièce de troupe. D'abord parce que sur scène, vous êtes nombreux, je crois 15. Oui, c'est ça, oui. Donc une pièce d'acteurs, et au-delà du nombre d'acteurs, on a pu lire ici et là pour aussi montrer qu'on peut être nombreux, on peut être collectif, il n'empêche, chacun se retrouve dans sa propre histoire. J'ai lu « Ici, il ne reste que l'homme dans toute sa nudité ». C'est-à-dire effectivement, même dans une composition chorale, comme c'est le cas, c'est pas le chacun pour soi, mais en même temps, chacun est livré à soi. Oui, si vous voulez, c'est la définition aussi du théâtre. Le théâtre est une œuvre communautaire. Un groupe est sur le plateau au service de l'individu et chaque individu au service du groupe. Bon, ça nous rappelle des sports d'équipe où on connaît ce genre de combinaison. On a à servir un collectif et en même temps, à l'intérieur, il y a des individualités brillantes et plus elles sont brillantes et plus le collectif est brillant. Dernière chose, quand on est homme de théâtre comme vous l'êtes, parmi ces envies qui vous ont donné ce désir de monter cette pièce de Gorki, c'était de faire entendre Gorki, effectivement, comme auteur. Donc, c'est pas parce qu'on parle d'adaptation qu'on a négligé l'auteur, avec ses désirs, ses utopies, ses contradictions politiques, on en a parlé. Et parmi ces utopies, je relève une intention commune entre lui et vous, l'idée de faire, de créer l'irruption de la beauté dans la vie des misérables hommes. Et tout ça, ça doit se partager sur scène. Oui, c'est-à-dire que le théâtre existe pour créer quelque chose chez le spectateur. C'est pas un spectacle qui va changer la vie ou qui va faire que intervenir sur des événements politiques. Le théâtre n'a pas de rôle là-dedans, mais il a un rôle envers chacun qui est de hisser un peu plus la puissance de chacun, la puissance personnelle de chacun à travers de l'énergie, du désir, de la beauté, de l'appétence dans une société qui cherche systématiquement à réduire cette puissance et à faire que nous ne sommes pas créatifs et enfermés dans des rôles ou dans des profils aujourd'hui sur les diverses internet, etc. Le théâtre a cette chose de développer l'humain et la puissance de l'humain en nous. Merci. Je rappelle à nos auditeurs que cette pièce est à découvrir cette semaine. En effet, deux occasions, deux représentations. Jeudi 14 décembre à 19h30, vendredi 15 décembre à 20h30, à l'apostrophe Théâtre des Louvrés à Pontoise. Et j'en finirai peut-être, mais vous l'avez forcément en tête, quand on parle de Gorki, en effet, quelles que soient ces contradictions politiques qu'on peut relever ici et là, il n'empêche que toute sa vie, il s'est fait le défenseur de la culture comme fondement de la formation individuelle et citoyenne, et ça doit nous parler à vous comme à nous. Bien évidemment, et c'est cette chose qu'on appelle beauté tout à l'heure, dont nous parlions, c'est cette chose-là qu'on essaie de transmettre. Effectivement, vous parlez de campagne électorale, dans un pays où pendant la campagne électorale, je n'ai pas entendu une seule fois le mot culture. Oui, en effet, je souscris. Un grand merci, Éric Lacascade. Durée du spectacle, c'est une longue pièce, 2h45 ? Non, 2h30. 2h30 Non, depuis, il a réduit en temps depuis la première représentation. On en est à la 53e. Et donc, il a gagné un petit peu en temps. Et parmi les comédiens, je crois que vous êtes également sur scène. Oui, je suis sur scène avec mes camarades, bien sûr, oui. Merci beaucoup. C'est moi. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Évoquons donc avec notre invitée Elisabeth Boss les sorties en famille. Venons-en à la deuxième proposition à l'affiche, un spectacle de cirque, mais avec effectivement presque une figure légendaire qui tourne un spectacle depuis plus de 25 ans, je crois savoir, c'est Slava, le clown Slava Poulounin, dans le Slava Show. Snow Show. Je savais que j'aurais trébuché. Faut dire qu'il y a de la neige, donc je trébuche dans son spectacle. Oui, il y a beaucoup de neige, beaucoup de poésie, de légèreté et de fantaisie, énormément d'effets, et en même temps, c'est plutôt un clown que c'est un rapport plutôt au clown qu'au cirque. Peu de mots, pour ne pas dire pas. Et en même temps, on est transporté et sous le charme de cet imaginaire qui va occuper tout l'espace du Théâtre des Louvrains. Mais quand je dis tout l'espace, c'est vraiment tout l'espace. C'est-à-dire que ça va déborder du plateau, ça va aller dans la salle, ça va aller sur les fauteuils, ça va dégouliner, ça va sortir dans les halls du théâtre, il y en aura partout. Donc c'est de la magie, on en prend plein les yeux, plein les oreilles. C'est pour tous et là, c'est vraiment une fête. On le déclare à juste titre comme étant le plus grand clown du monde. En tout cas, toute la presse internationale partage cette appréciation. Ce clown russe, véritable légende planétaire à ne pas manquer. Poète du quotidien, car c'est plein de poésie au-delà de la performance du clown. Oui, c'est plein de poésie et de rêves, en fait. De rêves qu'il tente de transformer en petits bouts de réalité, en petites bribes de réel. Des choses toutes petites, toutes méticuleuses, des petits objets qui vont traverser le plateau.